La ferme, de poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La ferme. À voir la ferme au loin, monter avec ses toits, monter avec sa tour et ses meules en dôme, et ses greniers coiffés de tuiles et de chaume, avec ses pignons blancs coupés par angle droit. À voir la ferme au loin, monter dans les verdures, reluire et s'étaler dans la splendeur des mets, quand l'été la chauffait de ses feux rallumés, et que les hêtres bruns l'éventaient de ramures. Si grande semblait-elle, avec ses rangs de fours, ses granges, ses hangars, ses étables, ses cours, ses poternes de vieux clous noirs bariolés. Son verger luisant d'herbe et grand comme un chantier, sa masse se carrant au bout de trois allées, qu'on eût dit le hameau tassé là, tout entier. Fin de La ferme.